le meilleur de la scène blues, se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Blues Café en live et en public. Bonsoir Francis. Bonsoir Cédric. Bonsoir à tous et bienvenue donc dans le Blues Café et en live et en public, comme tu l'as dit Cédric. Francis, notre invité de ce soir, était venu écrire l'une des plus belles pages du Blues Café avec son groupe qui avait fêté ce soir-là ici ses 20 ans d'existence, le groupe, pas lui, ici, sur la scène du Millennium. Est-ce que tu t'en souviens ? Effectivement, je m'en souviens. Alors évidemment, ça remonte très très loin et depuis, il a pris un peu d'âge. Mais enfin, il s'agissait de notre ami Bernard. Après plus de 28 ans de tournée à travers le monde avec ce groupe devenu culte, Awek, pour ne pas le nommer, Bernard Selam a souhaité quitter ses copains, en quelque sorte, pour d'autres aventures. Il vient d'écrire une nouvelle page, comme tu l'as dit, de son histoire, en compagnie d'un sacré gang de musiciens, The Boys from the Hood. Alors, on peut vraiment dire que Bernard, c'est l'âme de ce nouveau groupe. Hein, je pense que je suis pas le premier à te la faire, celle-ci. Et il vient nous parler de cet album qui vient de sortir, dans lequel Bernard conserve son talent d'écriture, entouré de ses amis pour une balade très cuivrée, tout en rhythm and blues et jump des années 50. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un triomphe à Eric Léglise à la basse et au chant. Julien Biget à la batterie. Franck Motin, sax ténor. David Kérou au sax bariton. Et naturellement, Bernard Selam, guitare et chant. Wow! To be alone, people. Midnight is a lonely highway. Just to be alone, people. 'Cause when the one you love, I find I fail and gone. I give you all of my loving and all my money too, baby. Never cry over you. When I cried and I cried, I cried the whole night through, baby. Yes, I cried and I cried, I cried the whole night through, baby. I wanna tell you now, people, what more can poor men do? Vous êtes bien dans le Blues Café, en live et en public. Nous sommes ici au Millennium de l'île d'Abo avec ce groupe Bernard Selam and the Boys from the Hood. Et ils font leur premier Blues Café, même si Bernard Selam est un habitué, on va dire, du Blues Café. On va demander d'ailleurs à Bernard de nous rejoindre et on va parler ensemble, notamment de ce nouvel album, Feeling So Fine. Et c'est vrai qu'on se sent bien avec vous, les garçons. Ah Bernard, en tout cas, nous sommes heureux de te revoir, en bonne compagnie en plus. Hein. Mais bon, avant toute chose, et tu t'en doutes bien, on est bien obligé de te demander pourquoi t'as arrêté à Wake. Alors, on se demandait si c'était une envie de passer à autre chose, de retourner à des racines musicales différentes, tes racines, ou parce que tu leur devais peut-être beaucoup de fric et puis que tu avais envie de t'en aller, quoi. Bah, je crois les deux. Non, on se devait pas d'argent. On a gardé beaucoup d'amitié. Avec mes frangins, c'est des frangins à Wake, mais j'ai trouvé aussi que j'avais aussi d'autres choses à faire dans ma vie. C'était pas à Wake, c'était pas toute ma vie non plus, et j'ai eu plein de très beaux projets avant ça, et j'avais envie de continuer à faire aussi des nouvelles choses pour se renouveler. Mes grands maîtres, quand je les écoute dans des interviews, quand je lis leurs interviews, Jeff Beck, qui est parti il n'y a pas longtemps, il disait justement, quand tu commences à être confort, c'est là qu'il faut tout changer. Donc moi, j'étais plus que dans le confort à 28 ans. Donc j'avais besoin aussi, puis j'avais très très envie de faire autre chose, de faire cette musique-là que je fais avec les Boys from the Hood. On va en parler justement. Voilà. Et je pouvais pas, vu mon grand âge, je pouvais pas faire deux gros projets parce que Awek, c'est beaucoup de tournées, c'est un gros investissement, c'est beaucoup de temps, et je pouvais pas faire deux gros projets en même temps, donc j'ai fait le choix de partir, et puis voilà. Et je suis là. Et il est là. Alors, je suis toujours vivant. On les salue d'ailleurs, Awek, puisque le groupe continue, malgré sûr. Tout, avec Fabrice Jousseau qui était venu ici. Et on leur souhaite plein de bonnes choses, bien entendu. Alors tu le disais, tu es vraiment étiqueté Awek, mais effectivement tu avais eu une vie avant Awek, notamment un groupe de soul qui s'appelait Les Formidables. Ouais, oui, j'ai fait ça pendant plus de 10 ans, pendant 12 ans. Bah, c'est là que j'ai rencontré aussi Olivier Trébel, qui est devenu le batteur d'Awek. Et donc je faisais de la soul, et en fait la soul c'est un peu la suite de ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que moi en fait je remonte dans le temps. Ah. Voilà, j'ai une machine à remonter le temps à l'intérieur de moi, de mon cœur en tout cas, pour revenir en fait aux sources et aux musiques que j'écoute depuis que je suis tout gamin. En fait, il faut regarder ta vie à l'envers, et c'est dans le bon sens du coup. Voilà, si on veut, voilà. Mais justement, ces musiques que tu joues maintenant, donc qui sont très rhythm and blues, rhythm and blues, jump, parfois même un peu rock'n'roll, hein, c'est un peu vintage finalement tout ça, non ? Toi qui regardes toujours à la fois derrière, mais devant aussi. Oui, parce qu'en fait, moi, je vois pas d'autres musiques pour moi qui se profilent à part par cette musique-là en ce moment. Donc je la joue jusqu'au bout. Après, qui sait, demain, je ferai peut-être de l'électro, hein, mais ça m'étonnerait. En tout cas, ce qui est frappant quand on écoute cet album, c'est qu'on est quand même bien obligé de se dire que ta patte est reconnaissable entre toutes. Qu'est-ce que c'est la voix, c'est la guitare, c'est le style. Chapeau, Cédric, parce que je crois qu'il a changé de chapeau. Non. C'est un chapeau que j'ai acheté. Ah, tu l'as retourné. Ouais, j'ai retourné pas ma veste, mais mon chapeau. Ouais. Moi je calcule pas. Hein. Je joue ce que j'entends. De toute façon, c'est ce que font tous les musiciens. Les meilleurs musiciens, ils jouent ce qu'ils entendent dans leur tête. Et moi, en ce moment, c'est cette musique-là que j'entends plus qu'une autre. Et forcément, quand j'écris des chansons, bah, ça reste moi, quoi. J'ai pas tout réinventé, non. Puis je suis pas à 5000 km de ce que je faisais avec Awek, quand même. Non. On est quand même dans la même catégorie. La preuve, c'est que je suis de retour au Blues Café. La preuve, c'est exactement. Et quelle preuve? et en plus, tu nous disais un peu hors antenne que. Bah, t'as envie de te faire plaisir aussi. Et là, tu te fais réellement plaisir. Et peut-être un peu moins aussi la course aux dates. Parce qu'avec Awek, il fallait courir quand même après les dates. Mais finalement, tu disais aussi que sans les chercher, elles arrivaient, ces dates. Oui, enfin, on cherche quand même beaucoup. Et puis, parce qu'aussi, il faut faire vivre un groupe. Et les musiciens avec qui je travaille, c'est tous des musiciens professionnels. Ils ont tous besoin de vivre, de manger. Donc on travaille, mais... Voilà, c'est des directions différentes. Ça te permet, si tu veux, il y a moins de pénibilité, parce qu'on parle beaucoup de pénibilité en ce moment. Il y a moins de pénibilité. Ça y est, il veut partir à l'âge de 40 ans, lui. Voilà. Non, mais moi, normalement, je devrais être à la retraite, mais bon, j'ai pas honte de le dire. Mais bon, voilà aussi, c'est quand tu envisages les choses différemment, ça te donne un coup de neuf, un coup de peinture. Et ça te permet d'envisager des choses que tu avais plus envie de faire avec certaines personnes, de les faire. Voilà. Là, c'est une autre ambiance. Tout à l'heure, dans le camion, c'était une toute autre ambiance qu'avec les autres groupes avec qui j'ai eu avant. Mmh. Des gens, voilà. On partage beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec cette musique-là, avec mes collègues. On écoute la même musique tous. On est vraiment branchés sur ce style-là. On est monté dans le camion tout à l'heure. Julien, le batteur, il a foutu une cassette. Ah oui, t'es revenu en arrière. il a mis une cassette. Et c'était Johnny Guitar Watson. Ah oui, très bien. Et voilà. Et puis on a écouté que des trucs comme ça. Bon, après, on a écouté d'autres choses aussi. Mais on est Céline vraiment. Céline Dion, tu l'assumes pas, par contre. Non, ça, pas du tout. Non, mais ça, à ce moment-là, je dormais. C'est pour ça qu'ils en ont profité. Et Bernard, tu parles des musiciens en deux mots, là. Tu peux nous les présenter ? Ah ben, c'est. Bon, je viens juste de parler de Julien Biget. Donc, Julien Biget, c'est un batteur que j'adore parce que. Je pense que dans le sud-ouest, il n'y a qu'avec lui. Enfin, moi, j'habite le sud-ouest, hein, je suis originaire de Toulouse. Il n'y a qu'avec lui que j'avais envie de jouer cette musique-là parce que pour moi, il la joue presque à la perfection. Oh, bravo. Donc... Pourtant, c'est pas gagné pour lui parce que visiblement, il vient de Tahiti, donc voilà. C'est pas non plus une musique très courante là-bas. Ça, c'est l'histoire de la chemise, ça sera off the record, comme on dit. Puis c'est pas radiophonique. Mais Julien, il vient d'un groupe que j'aimais beaucoup, que j'aime encore beaucoup parce que je les écoute encore, qui s'appelait Bounty. Ah oui, effectivement. Et voilà, et qui a joué par chez vous, qui a joué au Grazy Blues entre autres, qui a fait plein de concerts. Alors à la basse, c'est Eric Léglise, qui est on va dire une grande figure locale de la basse dans notre région aussi, et même de la basse en France, et qui est aussi un grand fan de musique. C'est une encyclopédie. Il connaît tout quand on s'envoie. Il m'envoie à 3h du matin des liens pour écouter des trucs complètement incroyables. Et puis voilà, il a été chercher. Il y a 2-3 morceaux un peu obscurs qui sont sur le disque, c'est lui qui les a trouvés et puis on les a maquettés ensemble. Il m'a beaucoup aidé à mixer aussi l'album. Voilà, c'est un vrai mec vintage. Voilà. Eric Church Léglise. Ouais, Church. Ouais. Non, et moi je l'appelle Church. Voilà. Au saxophone ténor, vous l'avez apprécié, extraordinaire. C'est Franck Motin. Franck, on peut l'applaudir de direct. Ouais. Franck, je l'ai rencontré, il jouait avec les Moneymakers, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Oui, bien sûr, oui. Qui est malheureusement un groupe qui n'existe plus depuis quelques semaines. Bon, voilà. Suite à l'abandon de leur sax ténor, bravo. mais pas du tout, en fait. Bernard. Non, parce que... Bon, Franck, il pourrait vous le raconter lui-même, parce que lui, par contre, il est jeune, il peut mener au moins 3-4 projets en même temps. Mmh. Et il n'a pas peur, et il le fait. Et j'avais adoré, je me suis dit, un jour, il faudra vraiment que je joue avec ce gars-là. Et voilà, mon rêve est enfin réalisé. Et puis, il y a David Kérou, au sax baryton. David, que j'avais entendu aussi dans plein de contextes, qui avait un groupe un peu dans ce style-là, mais avec un pied un peu plus dans le jazz. Et puis aussi, bon, c'est un saxophoniste de jazz extraordinaire. Il joue très souvent avec Drew Davis, que vous connaissez. Bien sûr. Drew Davis, avec qui on va jouer d'ailleurs, qui sera notre invité à Copé en Suisse après-demain. Et voilà l'équipe de Boys from the Hood. Ouais. Vous pouvez les applaudir encore très fort. Alors... Le changement, c'est donc aussi les cuivres, hein, puisqu'il y a 2 cuivres. Généralement, les cuivres, ça ouvre aussi une certaine part d'improvisation, c'est le cas ? Ah ben complètement. C'est des gens qui sont suffisamment aguerris et suffisamment brillants pour, dès qu'il y a une petite ouverture, tout le monde s'y engouffre. et on le suit, enfin en tout cas on essaye. Et c'est ça, il y a une grande créativité dans ce groupe-là, voilà, que j'ai pas entendu depuis très longtemps. L'interactivité et beaucoup de rigolade dans le camion. Alors cet album s'appelle Feel So Fine et tout à l'heure on était en loge avec Barefoot Yano qui est ici pour une prochaine émission. Et Barefoot Yano disait, notre métier à nous de musiciens, c'est de faire oublier aux gens le problème qu'ils ont avec leur métier à eux. On a un peu l'impression que c'est ça, Feel So Fine, c'est un appel à prendre les choses avec un peu de légèreté. Bah oui, parce qu'après les 3 ans sinistres qu'on a tous vécu, j'avais envie, et puis surtout je voulais montrer que je passais à autre chose, mais avec quelque chose de positif. Donc Feeling So Fine, c'est mon état d'esprit aujourd'hui. Dans le camion, pas uniquement, mais sur scène et sur la route et même dans ma vie, ça va plutôt bien. Enfin, ce projet-là, c'est un projet très positif. C'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps, donc c'est une belle réalisation. C'est beaucoup de travail, attention, hein, faut pas croire, les musiciens, on est là pour vous donner du plaisir. Vous avez l'impression que voilà, qu'on fait que rigoler, mais tant mieux si vous gardez cette impression-là, c'est ça le but. Donc Feeling So Fine. Après, derrière, on bosse, mais voilà. Francis a appris d'ailleurs tout à l'heure que c'était un vrai métier en fait. Ouais, bon, lui a un peu. C'est incroyable. Hein, en tout cas, sur cet album, c'est pas un album simple. Il y a quand même 15 titres sur cet album, à peu près à part égale, 8 compositions, 7 reprises, si j'ai bien compté. C'est un bel équilibre, en tout cas. Et 8 compositions, ça montre que ton talent d'écriture, puis ta verve. Hein. Bah, disons que l'écriture, c'est un peu comme le sport. C'est-à-dire que quand tu cours pas pendant 2 ans, la première fois que tu cours, tu es super crevé, tu cours 42 mètres. Moi, je sais pas, je cours plus. Hein. Voilà, justement. Donc, je t'explique, si tu veux, Francis. Mais après, si tu t'entraînes... Bon, moi, je me suis jamais arrêté d'écrire. Avec Awek, j'ai écrit au moins 100 chansons. puisqu'on a fait 12 disques ou en moyenne avec à peu près 12 ou à 15 titres par album. Et puis tu as écrit aussi pour d'autres groupes. J'ai écrit pour d'autres groupes aussi, et donc c'est aussi une activité. Moi, quand je suis en train d'écrire une chanson, des fois je m'arrête et je me dis, oh là, je suis bien. Tu sais, je suis. Je me sens, je sais pas. J'aime bien faire ça. Après, j'ai écrit des merdes. J'ai pas écrit que des bons trucs. On les a oubliés. Allez. Mais moi-même, je les efface. Mais voilà, mais j'aime bien faire ça, ouais. J'aime bien écrire de la musique et les chansons. Alors, dans les reprises, il y en a une qu'on a particulièrement notée, une reprise de Clarence Brown, Midnight Hour. Qu'on a joué tout à l'heure. Ouais. Exactement. Ouais. Alors, comment vous choisissez les reprises? Parce que j'ai l'impression que vous êtes tous plus ou moins érudits, passionnés de musique. Ça se fait de façon démocratique ou... Moi, là, je suis un peu moins démocratique parce que c'est sous mon nom. Au 49.3, c'est tout. Mais en même temps, tu vois, tout à l'heure, Church, il m'a dit « Ah, celui-là, je l'aime moins. » Bon, donc je vais prendre note. Je vais pas dire « On va le garder pour te faire chier. » Donc, au contraire, on va... Mais c'est vrai que quand t'es chanteur, comme c'est des chansons, il y a des choses... Moi, je suis pas capable de tout chanter. Hein. Moi, tu me demandes de chanter « Alléluia », tu vois, de Leonard Cohen, je suis pas capable de le faire. Mais pareil, dans le blues, je peux pas tout chanter. Donc, il y a des chansons qui me vont bien à la voix et d'autres qui me vont moins bien. Donc, j'essaie de chanter des chansons qui me plaisent. Et puis de leur soumettre. Après, s'ils me disent, non, on veut pas le faire, on le fait pas. Hein. Enfin, on n'en est pas encore là. Et il y a des idées qui peuvent naître justement dans le camion. Tu disais, vous faites de la route ensemble et tout. Il y a des trucs, des fois, vous dites, mais ce titre-là, faut qu'on le fasse. Non, tout à l'heure, par exemple, on a écouté une version d'un morceau, « Woke Up This Morning » de B.B. King, que vous connaissez certainement, au moins vous deux. Et pour lequel tu avais ouvert à Cognac. Oui, c'est vrai, ouais. Maintenant que tu le dis. Et, oui. et en fait, on a réécouté la version de Freddie King tout à l'heure. Et donc, Franck me disait, ça serait bien qu'on reprenne tel arrangement, mais qu'on garde l'arrangement original, mais qu'on... Pendant le solo, on va mettre l'arrangement de Freddie King, etc. Tu vois, il y a vraiment y a une émulation énorme dans... L'écriture, c'est aussi ça. C'est pas uniquement écrire des chansons avec un refrain, une mélodie, un pont, etc. Alors, sur cet album, il y a aussi des guests. Alors, tu as parlé tout à l'heure de Joe Davis, qui se trouve aussi sur l'album, et que nous avons eu dans notre blues party avec le groupe Wax & Boogie. Mais il y a aussi une autre guest qu'on ne connaît absolument pas, elle s'appelle Anita Fabiani. Et qui est-elle? C'est une pianiste. Anita Fabiani, elle n'est pas trop connue en France parce qu'elle est argentine. Et elle vient d'arriver avec son compagnon qui s'appelle Federico. Et tous les deux, ce sont deux musiciens extraordinaires de blues c'est des gens assez jeunes, hein. Je crois que Federico, il a même pas 30 ans et elle non plus. Et c'est des gens qui tournent pas mal en ce moment en Europe. Et donc, c'est Church qui les a fait venir, en fait, d'Argentine. Enfin, il leur a ouvert, en fait, on va dire, un petit peu le réseau en France. Et ils se sont installés en France. Enfin, ils font des allers-retours. Donc, Anita Fabiani qui est au piano. J'avais envie de la mettre en avant parce que c'est quelqu'un de très sympa et qui joue bien. Ouais, et c'est super. Bien sur le disque, quoi. Eh bien, on vous laisse rejoindre la scène. On te laisse rejoindre la scène. On va faire une toute petite pause musicale. Bernard, on va écouter un titre de quelqu'un qu'on aime beaucoup qui s'appelle They Call Me Rico, qui est également celui qui mixe toutes ses émissions Blues Café tous les mois. Et je crois qu'on peut vraiment lui faire un tonnerre d'applaudissements parce que forcément... Forcément, il va l'entendre et il n'aura d'ailleurs pas le choix. Il sort un très bel album qui s'appelle Wheel of Love. On va écouter son nouveau single. On vous invite vraiment à écouter ce nouvel album. Et d'ailleurs, on peut aussi faire un petit coucou à François Rosenciel qui fait les vidéos du Blues Café, puisque c'est François qui a fait les clips de Rico. Et lui aussi, on peut l'applaudir pendant qu'on écoute They Call Me Rico avec Is My Mind. Nous sommes de retour sur la scène du Blues Café Live. Et justement, sur la scène, il y a Bernard Selam and the Boys from the Hood. Ah ouais. Vous écoutez bien le Blues Café, ne changez rien. Nous sommes avec Bernard Selam and the Boys from the Hood. Il est long quand même ce nom de groupe à prononcer. Mais en tout cas, et on va redemander à Bernard de venir nous voir. C'est un nom pimenté. C'est ça. Aussi, ouais. Tu veux que je t'explique ce que ça veut dire, Boy from the Hood? Allez, je suis chaud. Bon, alors en fait, Boy from the Hood, c'est, ça veut dire les garçons du coin. D'accord. En fait, c'est une Hood, c'est l'abréviation de Neighborhood. Qui veut dire le voisinage. Parce que le premier concert qu'on a fait, on l'a fait un peu par hasard. J'ai appelé des copains qui vivaient autour de chez moi. Et puis, bon, voilà, après, on a gardé à peu près la même équipe. Il y en a un ou deux qui ont changé. Donc, on a appelé ça The Boys from the Hood. Mais en fait, j'ai réalisé après que c'était aussi le titre d'un film de Spike Lee qui parle des gangsters. Des gangsters. Là, t'as toujours été un peu louche. Hein, ouais, mais en fait, ils sont un peu voyous, mes garçons, là, mes boys. Et je trouve que ça leur va plutôt bien, quoi. Voilà. Mais bon, ils vendent pas de drogue. Alors là, on vient d'écouter, Bernard, on vient d'écouter deux titres qu'on a dégustés, évidemment, très, très pimentés d'ailleurs. Hein. Une belle visite dans finalement tout ce que tu aimes, toi, non? D'abord, You Got Me Reeling and Rocking de Roy Milton, c'est ça? Oui. Et puis, alors très rhythm and blues, bien entendu. Et puis là, ce shuffle instrumental, c'est une de tes compositions très pimentée, tu l'as dit. À la peigne, ouais. Mais justement, j'ai l'impression que tu as toujours bien aimé les shuffles. Ah oui, oui. Enfin, là pour moi, c'est pas un shuffle, mais bon, c'est pas. Peu importe, chacun sa terminologie, on va dire, des chansons. Mais en fait, c'est un petit clin d'œil au B.B. King qui faisait des morceaux un petit peu dans ce style-là dans les années 50, et des morceaux un peu mambo, un peu latino, parce que ça commençait à être la mode aux États-Unis. Ouais. Et donc, c'est rentré dans l'histoire du blues, en fait, ce mambo, par tous ces grands guitaristes comme Freddie King aussi, qui en faisait pas mal. Et surtout B.B. King. Et donc, pour moi, c'est un petit clin d'œil. D'ailleurs, dans le thème, il y a un truc, j'ai volé B.B. King, je le dis. Hein. Il y a deux, trois notes, c'est un plan de B.B. King, mais voilà, c'est fait partie. Je pense qu'il ne te dira plus rien maintenant. Non. En plus, je l'ai serré la main une fois, donc on avait fait la paix en avance. D'ailleurs, ce morceau est un morceau instrumental. À quel moment on sait que le morceau va être instrumental? Tu l'as écrit tout de suite pour être un morceau instrumental? Ou tu n'avais pas trouvé de parole? Ah non, là pour moi c'était d'entrée un morceau instrumental. Mais quand j'écris une chanson, je ne projette pas. Je ne me dis pas, tiens, je vais faire une chanson pour entrer dans un disque concept, etc. J'aimerais bien pouvoir le faire. C'est-à-dire d'être capable de, comme on fait certains grands artistes, comme les Beatles ou les Queen, ou peu importe, des groupes énormes, de faire un album concept. Mais ça, bon, c'est pas trop, ça se fait déjà peu dans le blues. Puis c'est pas non plus le style de musique. Voilà, ça se fait pas dans le blues. Et en fait, voilà, quand je fais une chanson, je la fais. Et après, je me dis, bah tiens, ça pourrait coller avec les Boys from the Hood ou pas, quoi. Alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'on te sait excellent guitariste, si l'on est. Donc, on s'attendait un peu à ce que tu revisites des guitaristes. Et paf, on va t'écouter tout à l'heure sur un blues signé d'un grand chanteur, Ziz Hill. Titi Hill, je sais pas exactement comment tu le dis. Comment on adapte un titre dont la voix finalement est majeure et la guitare un peu secondaire? Bah, on fait ce qu'on peut. mais sincèrement, c'est une tellement belle chanson. Donc, c'est You Were Wrong, en fait. C'est ça dont tu parles, hein, le morceau de Ziz Hill. Était aussi, en fait, moi au départ, je connaissais plutôt la version de Magic Sam. Parce que, en fait, c'est ça, pour ceux qui connaissent le blues, ou en tout cas pour ceux qui le connaissent peut-être pas, en fait, les morceaux, les gens, ils les interprètent différemment, les mêmes morceaux. Ils se les volent des fois, parce qu'au départ, il n'y avait pas de droit d'auteur. Hein. Ils changeaient un mot dans le titre. Ouais, ou même pas du tout. Et puis, le gars qui avait la chance de signer le morceau, parce qu'il se retrouvait dans une maison de disques, il prenait les droits pour lui, alors que la chanson, elle avait déjà fait le tour des États-Unis. En tout cas, merci, parce que grâce à toi, je savais qu'on saurait tout sur le Ziz Hill. Donc, on est... Mais ça, c'est Pierre Perret, ça. C'est bien. Quand je t'entendais là, je le disais tout à l'heure à Francis un peu hors antenne, j'entendais aussi des sonorités à la James Hunter. Est-ce que c'est un artiste que tu apprécies particulièrement? En tout cas, c'est un des grands représentants aujourd'hui de ce style de musique-là. Complètement, c'est un représentant de cette musique-là. En tout cas, bon, c'est un artiste britannique. Que j'aime beaucoup et qu'on aime beaucoup dans le groupe aussi, qu'on écoute beaucoup. Dans notre répertoire, on a fait une reprise de Johnny Guitar Watson, mais on l'a réarrangé un peu à la James Hunter, justement. Ah oui. Donc voilà, c'est tous ces mélanges-là qui est super avec cette équipe. c'est qu'il y a il y a des envies, il y a beaucoup de fraîcheur et en même temps il y a une certaine culture qui permet de construire des belles choses, des beaux projets. Il y a aussi du T-Bone Walker. Ah bah là on pouvait pas passer à côté parce que c'est quand même le grand maître de cette musique là. Alors il y a aussi quelqu'un qui est il y a une reprise je crois et qu'on entendra après le générique tout en finale de Nick Curran, un morceau de Nick Curran, je me trompe pas? C'est alors, bien ça. Un artiste hors du commun, parti trop tôt. Oui, ça, dans notre répertoire. On est très fan de Nick Curran. Et en fait, moi, j'ai découvert récemment ça. Church, il le savait, parce que Church, c'est un peu... Voilà, l'encyclopédie. L'encyclopédie. Surtout, mais en fait, Nick Curran, en fait, c'était surtout un guitariste de rockab au départ de sa carrière. Et moi, ça, je ne le savais même pas. Je l'ai découvert... Oui, parce qu'on l'a toujours vu avec des musiciens californiens, souvent, ouais, dans puis, West Coast. Ou Texan, en tout cas, puisque c'était un Texan. Et moi, j'ai toujours eu... Enfin, quand je l'ai découvert, j'ai pris une claque énorme. C'était un jeune gars. Hein, bon, il était plus jeune que moi et tout. Hein, et quand j'ai écouté la musique de Nick Curran, j'étais là, waouh, il y a encore des gens qui jouent encore comme Johnny Guitar Watson, justement, et qui le font mais parfaitement bien... Et complètement dans le style. Et en fait, j'ai découvert que le Nick Curran en question, bah, il avait tout un background. Il a enregistré plein de disques de rockab et qu'il sait jouer cette musique aussi super bien. Et donc ça, c'est des choses que moi, je ne sais pas trop faire, de jouer plein de styles. Tout à l'heure, je parlais de Jeff Beck. Jeff Beck, c'est un guitariste de rockabilly fabuleux. Mmh. Aussi. Oui, peut-être au début alors. Toujours aujourd'hui. Il y avait un très beau. Aujourd'hui, moins, mais avant-hier, oui. Il y avait un très beau DVD d'ailleurs, un concert qu'il avait fait, ouais. Qui était effectivement. Et il avait enregistré, et puis surtout, il avait enregistré avec les Big Town Playboys. Mmh. D'ailleurs, tu parlais de James Hunter, donc c'est aussi un groupe anglais, avec Mike Sanchez, qui était le chanteur de ce disque-là, où en fait, Jeff Beck reprenait en fait. Les solos du guitariste de Eddie Cochran et le jouer à la perfection quoi. Du coup, qui dit sortie d'album dit à nouveau concert, tournée. Est-ce que tu n'as pas peur de retomber un peu dans ce rythme effréné des tournées avec Awek parce que tout le monde va vous demander avec musique comme ça là. Ouais, pourquoi pas. Non, on verra. Mais ce qui est bien, c'est que moi, je peux choisir aujourd'hui un peu plus. Avant, on était plus. Bon, voilà, c'est une machine qui était lancée, qui était difficile de. Donc je choisis ce que j'ai envie de faire. Même bon, on a quand même on a 32 dates là qui arrivent hein, pour déjà 2000, pour 2000 jusqu'à décembre novembre et des beaux endroits, des festivals, des belles salles, des bons clubs, des bons endroits quoi. Il y a pas une date médiocre et donc c'était mon but aussi. De me régaler avec une bonne équipe et de faire des choses que j'avais envie à mon rythme. Et donc justement sur scène, tu parlais tout à l'heure de Copé avec Drew Davis qui viendra. Est-ce que tu penses ou tu prévois, je suis sûrement sur certains concerts, d'inviter des gens, des guests? Drew, ça me semblait évident. Et notamment la pianiste, parce que c'est plus compliqué. Oui, Anita, hein. Oui, aussi. Après, bon, c'est un problème de logistique aussi. Oui, finances aussi, de budget. Pas uniquement, mais c'est surtout un problème logistique, parce que on se trimballe en van, on aime bien avoir notre matériel, etc. Donc, une personne de plus, bon, voilà, ça veut dire un deuxième véhicule, etc., etc. Mais bien sûr que c'est envisagé... d'inviter plus de gens et de créer des événements. Mais pour l'instant, on va essayer de faire nos preuves avec cette équipe-là, l'équipe originelle de Bernard Selam and the Boys from the Hood. Tu avais une inquiétude quand tu as quitté Awek pour créer ce groupe? Bien sûr, heureusement même. C'est un grand saut dans le vide quand même. Ah ouais. Mais c'est vrai que, tu vois, une copine, vous connaissez peut-être Nadège Dumas qui est saxophoniste. Oui, bien sûr. Et donc qui joue avec Bonnefield. Oui. Elle me disait, mais Bernard, pourquoi tu fais ça? Tu aurais pu glisser tranquillement vers la retraite, PNR, avec ton super groupe qui tourne depuis des années et tout. Ben, je dis, mais non, mais moi j'aime bien justement me remettre en question. Voilà, justement, je revis et je vis surtout, je me sens vivant parce que je construis des choses et que je prends des risques. Mais j'ai, bien sûr que j'avais peur. Et j'ai peur là de remonter sur scène aussi. Il va falloir, mon coco. Mais c'est pas quelque chose de négatif, mais j'ai toujours un peu le trac. Moi, je crois qu'il faut avoir le trac. Parce que c'est ce qui donne du peps et puis ce qui donne l'énergie qu'on peut donner tous ensemble. C'est l'espèce d'électricité qu'il y a sur scène grâce au track. Mais tu sais, Bernard, pour tout avouer, c'est un peu comme nous. Tout à l'heure, Cédric n'osait pas monter sur scène. Je l'ai un peu traîné de force. Il avait un track énorme. J'ai toujours le track d'être à tes côtés, Francis, aussi. Tu sais. Alors, une dernière question, Bernard, parce que toi qui es habitué finalement à enregistrer dans des studios américains, où est-ce qu'il a été enregistré cet album? Cet album, il a été enregistré au studio Vibration, avec un S, qui est en fait le studio de Franck Motin, notre saxophoniste. Et c'est ça aussi que j'aime dans ce groupe, c'est que chacun amène des choses différentes. Franck, il a un super studio et en plus, il va avoir un studio magnifique là qu'il est en train à Castres, ouais, qui est en train de réaliser. Et c'est un bon ingé son. Et puis voilà, il a enregistré. Moi, donc on l'a fait ça. On a enregistré en live, c'est-à-dire qu'on a enregistré guitare, basse, batterie et piano parce qu'il y a donc Anita, tous ensemble et les sax ont été enregistrés après. Voilà, vous savez tout. Ouais, on sait presque tout. Sinon qu'avec le succès de cet album, on imagine que tu penses déjà au suivant? Bah non, pas encore, parce que là, disons qu'on va essayer de ça fait que quoi, 2-3 mois qu'il est sorti. Et puis le groupe est tout neuf, donc on va attendre. Bon, en général, je fais depuis 20 ans, je fais un disque tous les 2 ans. Mais bon, un disque, ça se prépare une bonne année en avance, ouais, un minimum. En tout cas, celui-ci s'appelle Feeling So Fine. C'est Bernard Selam and the Boys from the Hood. Merci Bernard d'être venu dans le Blues Café. Ben, merci d'avoir de m'avoir reçu et d'avoir reçu les Boys from the Hood. Et surtout de vous revoir à chaque fois. Vous êtes toujours là et ça fait plaisir. On se revoit en 2025 alors pour le prochain disque. Complètement. On les applaudit. Bernard Selam and the Boys from the Hood. but you were wrong. Right on, boy. Concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Ce soir dans le Blues Café, il y avait Eric Church l'Église, Julien Biget, Franck Motin, David Kérou, Bernard Selam. Bernard Selam and the Boy from the Hood. Merci aussi au Millennium, toute l'équipe, Margot, Gilles, Ludo, Sébastien et à notre François à la captation vidéo. Merci également au studio Magneto pour le mixage et on vous donne rendez-vous sur notre site bluesactu.com et également sur notre web radio Blues Café Radio. On vous accompagne 24 heures sur 24. On ne dort jamais avec Francis. Non. On est toujours là pour vous lancer du blues dans les oreilles. On retrouve sur la scène du Blues Café pour un dernier titre et sous l'ovation du public, Bernard Selam and the Boys from the Hood. Merci d'être venu jusqu'à nous. My baby with big red eyes, she's been drinking quite a little while, and she won't stop until the night is gone. Yeah, we're gonna boogie with my baby tonight. Everybody sing now. We're gonna boogie, boogie with my baby. Gonna boogie, boogie with my baby. Gonna boogie, boogie with my baby. Gonna boogie, boogie with my baby. Baby tonight, one more time.